j'étais tout petit, bien sûr je me souviens. Avec mes parents, ah oui que j'étais bien. Ils m'ont beaucoup aimé, ils m'ont aussi choyé. J'étais leur passereau, sous leurs ailes il faisait chaud. Chante pour toi, balance-toi, de gauche à droite, tenons par la main. Chante pour toi, console-toi, de gauche à droite, sans penser à demain. Ils m'ont tout donné, j'étais bien protégé. Je ne manquais de rien, je n'ai jamais eu faim. Si des fois il se saignait, c'était pour me couver. Dans mon beau nid garni, oui c'est là que j'ai grandi. Chante pour toi, balance-toi, de gauche à droite, tenons par la main. Chante pour toi, console-toi, de gauche à droite, sans penser à demain. Les années ont passé, j'étais adolescent, toujours bien à l'abri, j'étais au paradis. Les études, ils m'ont payé, et eux se sont privés. Par un beau jour de mai, oui, je me suis envolé. Chante pour toi, balance. Toi, de gauche à droite, tenant par la main. Chante pour toi, console-toi, de gauche à droite, sans penser à demain. J'ai pris donc mon envol et j'ai tout survolé. Les monts et les vallées, les pays et les contrées. Puis, tel qu'un migrateur, après plusieurs années, je suis donc retourné au pays d'où je suis né. Chante pour toi, balance-toi, de gauche à droite, tenons par la main. Chante pour toi, console-toi, de gauche à droite, sans penser à demain. En survolant la ville, je fus pris de regret. J'y vis, parents, amis, tout ce que j'ai laissé. De mon ingratitude, je me mis à pleurer. Et pour me consoler, je me suis mis à chanter. Chante pour toi, balance-toi, de gauche à droite, tenant par la main. Chante pour toi, console-toi, de gauche à droite, sans penser à demain. Sans penser à demain. Sans penser à demain.